Séance de bénédiction du mois d'août de l'année 2021. Donc, au programme aujourd'hui, ça va être une séance de bénédiction. Donc, j'en ai déjà fait là, sur ma chaîne de diffusion web. Donc, vous avez d'autres enregistrements. Et pour les nouvelles personnes qui se joignent à moi, bien, je vais vous expliquer brièvement là, en quoi ça consiste. Dans les prochains instants. Donc, bénir, ici, je l'entends dans le sens d'investir certaines choses à partir de sa volonté, en partant du principe qu'on peut agir sur la réalité à partir de sa volonté. Donc, de bénir, donc utiliser sa volonté pour agir sur le réel. Donc, la bénédiction s'appuie sur le principe que nous sommes séparés de rien. On peut regarder à l'entour de nous et avoir l'impression que les objets sont distincts des uns et des autres, mais en réalité, derrière chaque objet, chaque atome, il y a un champ d'énergie. En physique quantique, on parle d'un champ d'énergie quantique qui sous-tend ce qu'on a l'impression qui est matériel. Et à la base de la réalité densifiée, il y a de l'énergie. Et on peut agir en fonction de notre conscience sur l'énergie, les événements, les situations, les individus. Et c'est sûr que ça va dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que les individus, les situations, les événements peuvent agir sur nous. Donc, la séance de bénédiction qui va être faite dans les prochaines minutes s'articule sur une compréhension systématique de l'univers. Donc, l'univers peut m'influencer, mais moi aussi, à travers la force de ma volonté, je peux influencer l'univers. Donc, ça va dans les deux sens. Et dans l'optique de m'approprier mon pouvoir d'agir sur la réalité, eh bien, je vais procéder à une séance de bénédiction. Donc, c'est sûr que s'il y en a parmi vous qui ont envie de répéter à ma suite certaines bénédictions, eh bien, vous êtes les bienvenus pour le faire. Et en faisant ça, ben, c'est sûr que vous vous inscrivez dans une dynamique où vous allez manifester une vibration dans votre vie. Et là, s'il y a plusieurs personnes qui font ça, ben, ça va créer un égrégore, un champ d'énergie d'individus qui vont manifester une volonté dans leur vie d'agir sur le réel au lieu de subir la réalité tout simplement. Donc, dans le rapport de force entre l'individu et son environnement, eh bien, moi, je soutiens les individus qui ont la volonté d'être souverains dans leur vie, c'est-à-dire leur propre autorité. Et dans cette perspective, dans les prochaines minutes, je vais procéder donc à une séance de bénédiction. Si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de vous asseoir confortablement dans un endroit où vous allez être calme dans les prochains instants pour être disponible sur le plan de la conscience. Une fois que vous êtes à un endroit où vous vous sentez bien, eh bien, je vous propose de prendre des grandes inspirations et expirations dans les prochains instants pour amener un état de calme, un état de disponibilité intérieure et également de présence. Une fois que vous avez pris quelques inspirations et expirations, vous allez être dans un état disposé à commencer la séance de bénédiction. Tout d'abord, je bénis mon état de santé physique. Je vais passer en revue différents organes de mon corps, de la tête aux pieds, dans les prochains instants, pour les investir de ma présence, de mon énergie et de les harmoniser à mon être global pour induire un état de paix, de calme, advenant qu'il y ait certaines tensions dans mon corps. Donc, si j'observe que, par exemple, il y a des tensions dans mon cou ou à ma clavicule en haut de mes épaules, bien, à ce moment-là, je visualise que la lumière se présente à cet endroit et qu'une fraîcheur s'installe qui va m'apporter un état de détente. Si j'observe que j'ai des tensions dans le dos, je fais la même chose. Donc, je fais présentement un scan corporel. Je passe en revue différents organes pour les investir de l'énergie vitalisante que je peux déployer au sein de ma conscience en la canalisant à partir de l'énergie cosmique universelle. Pour y arriver, je visualise que je me branche, je me connecte psychiquement à l'énergie de nature cosmique, à l'énergie qui est primordiale dans le cosmos, à l'énergie qui sous-entend l'existence de la matière. Je me connecte à l'énergie qui est porteuse de vie, porteuse de renouvellement, porteuse d'une capacité d'investir les organes d'une énergie propice à leur restauration. Donc, je visualise maintenant les différents organes de mon corps, et si je perçois qu'il y a un organe ou une zone de mon corps qui est un peu plus tendue, je visualise à ce moment-là que l'énergie cosmique va se loger dans les cellules qui constituent cette zone du corps pour apporter du calme, de l'apaisement, un état de bien-être. Je visualise qu'une lumière blanche d'une très grande clarté, d'une très grande pureté est présentement disponible dans le champ de ma conscience et que je n'ai qu'à utiliser ma volonté pour la diriger sur différentes zones de mon corps et la projeter. Il ne suffit que de penser à une zone de mon corps et y être présent pour que simultanément la présence de cette énergie harmonisatrice et porteuse de revitalisation soit présente également. Donc, je visualise présentement que ma tête est remplie de lumière qui est en relation avec l'immanence de l'énergie cosmique. Je visualise l'harmonisation des deux hémisphères de mon cerveau à une énergie unitaire. Je visualise que la paix s'installe dans les zones de mon cerveau, que ce soit l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Je visualise qu'il y a des connexions neuronales entre ces deux zones qui sont propices au déploiement d'une intelligence renouvelée. Je visualise que je suis investi d'une présence qui me restaure et qui participe au déploiement et au développement de mes capacités cérébrales en termes de capacité d'attention, de présence, de mémorisation, d'analyse, de synthèse. Je visualise que l'énergie va restaurer, revitaliser, redynamiser chacune des cellules qui peuvent en avoir besoin dans mon cerveau, advenant le cas, ou tout simplement apporter un supplément de bien-être à des zones déjà pacifiées. Je visualise ensuite que mes yeux sont harmonisés à l'énergie qui descend en moi en provenance du cosmos vers la Terre. Donc, cette énergie va me donner la capacité de voir avec plus de clarté les vibrations qui sont derrière les individus, les situations, les événements. Je visualise qu'un second regard m'est donné et je visualise également la santé de mes yeux sur le plan physique par rapport à l'iris, la pupille et les différentes zones de mes yeux. Je bénis ma capacité à voir clair devant les différentes situations, les différents événements, pour avoir la profondeur de percevoir tout ce qui peut être voilé pour l'individu qui regarde les choses en surface. Je bénis ma capacité à cerner spontanément l'essence des choses, c'est-à-dire la réalité vibratoire qui existe au-delà du plan physique, au-delà de la densité et de la dimension biologique que représente le corps physique. Je bénis ma capacité de voir les gens dans leur globalité, autant sur le plan physique que sur le plan vibratoire. Je bénis ma capacité à percevoir leur essence énergétique avec clarté, spontanéité, de manière à savoir à une fraction d'instant avec quel individu j'ai ou non à interagir, pendant combien de temps, quelles sont les potentialités développementales des individus qui m'entourent. Je bénis ensuite le fonctionnement de ma gorge pour que, à quelque part, je sois capable de véhiculer une parole qui est porteuse d'une vibration nourricière et régénératrice. Je me donne à vivre le renouvellement énergétique à travers la parole porteuse d'une vibration qui va viser la revitalisation des différents organes. Je bénis chacun des mots qui peut être prononcé dans cette activité de bénédiction pour que, à quelque part, une puissance énergétique soit déployée pour actualiser au maximum les intentions qui sont émises, de sorte à favoriser un renouvellement total dans mon être dans une perspective d'harmonisation plus grande de ce dernier à l'énergie cosmique. Je bénis par la suite mes poumons pour que ma respiration soit fluide, pour que mes poumons absorbent comme il faut l'oxygène. Je bénis mon cœur. Je bénis ensuite mes reins, mes intestins, pour qu'ils soient un lieu propice à une circulation énergétique adéquate, ainsi que mes vaisseaux sanguins, à partir desquels le sang va se promener dans mon organisme. Je bénis par la suite ma vessie. Je bénis mon organe sexuel. Je bénis mon anus. Je bénis par la suite mes genoux. Ensuite, mes pieds. Je bénis la peau qui recouvre l'ensemble de mon corps pour qu'elle soit belle, qu'elle soit en santé et qu'elle soit capable d'absorber adéquatement les rayons du soleil. Je bénis la capacité de ma peau à se recharger au contact du soleil. de manière à ce que l'absorption de l'énergie solaire soit propice à sa santé, son renouvellement, sa vitalité et la longévité également de l'ensemble de mon corps biologique. Je bénis par la suite mon état de santé émotionnelle pour que, à quelque part, je sois doté d'un centre de gravité permanent qui me permet de faire face aux différents événements, individus et situations de mon quotidien, de sorte que je sois stable sur le plan émotionnel, donc que je sois avec un mental qui est pacifié, propice à l'intégration. Donc, je bénis ma capacité supérieure d'intégration des événements, des oppositions, de sorte que je sois bien dans ma peau. Donc, par rapport à ce qui peut arriver, je bénis bien entendu ma capacité intellectuelle, ma capacité de compréhension, que ce soit par rapport à des informations que je vais lire ou entendre en français, en anglais, en espagnol et dans toutes les langues qui m'intéressent. Je bénis ma capacité à cerner l'essence vibratoire du message que je peux entendre ou voir à l'écrit, en dépit de la langue qui est utilisée par les interlocuteurs. Donc, je bénis ma capacité à percevoir la vibration derrière les formes pour que je sois capable de comprendre l'essentiel, et ça, peu importe la langue qui est utilisée par des personnes. Je bénis ma capacité de me connecter, si je le désire, à l'essence de la pensée qui est derrière la forme qu'une personne va utiliser pour la traduire sur le plan physique. Donc, je bénis ma capacité à accéder à l'essence des choses, à l'essence de la volonté de communication d'un être humain à partir duquel je vais rentrer en contact sur le plan physique ou également entrer en contact avec l'un de ces enregistrements là, sur Internet que je peux voir ou entendre. Sinon, je bénis mon intelligence pour qu'elle soit de plus en plus grandissante, de manière à être capable d'avoir l'intelligence de savoir quoi bénir pour l'avenir, car c'est un mouvement qu'on peut amplifier. On peut amplifier sa capacité de bénir et l'intelligence de savoir quoi bénir, de sorte que, à quelque part, l'intelligence soit à notre service pour nous avantager. Donc, je bénis plus particulièrement ici l'intelligence créative, l'intelligence qui me permet de me renouveler sur le plan personnel de manière à favoriser mon épanouissement personnel, ma santé, ma capacité à comprendre avec rapidité qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, en dépit des différentes situations auxquelles je suis exposé. Je bénis ma spontanéité, ma capacité d'improviser avec facilité sur n'importe quel sujet. Je bénis ma capacité à me brancher sur l'intelligence cosmique de manière à avoir accès à la science universelle. Je bénis mon accès à la science cosmique de sorte que je sois en mesure de parler le réel d'une manière spontanée, articulée et à exprimer des éléments d'information qui sont propices au déploiement d'une vibration qui vont participer par la suite à nourrir mon être dans sa totalité. Autrement dit, je bénis ma capacité à déployer une énergie qui va favoriser ma santé énergétique de manière perpétuelle. Je bénis, bien entendu, mon état vibratoire. Je bénis les différentes dimensions de mon être dont il a été question, donc le corps physique avec les différents organes, la dimension aussi émotionnelle, donc ma capacité d'absorber les chocs pour avoir un état émotif qui est stable. Je bénis ma capacité d'intégration intellectuelle de l'information auquel je suis exposé. Et je bénis ma capacité à faire preuve d'une conscience qui va favoriser mon épanouissement dans tous les aspects de mon existence, dont notamment la dimension financière dans ma vie. Donc, je bénis ma capacité à vivre de l'abondance de l'infini. Je bénis l'argent. Je bénis les opportunités d'affaires qui peuvent se présenter à moi, les opportunités d'achat. Je bénis ma disponibilité pour percevoir les opportunités d'achat auxquelles je peux être exposé en allant dans des commerces ou en me promenant là, sur des pages web, là, sur Internet. Je bénis ensuite ma joie de vivre, ma capacité de m'émerveiller comme un enfant devant la nature, ma capacité de rire, ma capacité de jouir. Je bénis mes orgasmes. Je bénis ma capacité à savourer les caresses sur mon corps lors d'une activité de massage. Je bénis ma sensualité qui me permet de jouir de l'existence dans un corps biologique sur Terre. Je bénis par la suite mon sens de l'humour, ma capacité de rire de la vie. Je bénis ensuite ma volonté, mon intelligence et également mon amour. Je bénis ma puissance de volonté qui me permet de bénir, qui me permet de commander à l'univers, donc de me tenir debout et d'affirmer haut et fort ce que je veux. Donc au lieu de me faire dicter par mon environnement et programmer par la télévision ce qu'ils me disent que je veux. Donc je bénis ma capacité à déployer dans ma conscience l'énergie suffisante de manière à rayonner d'un état énergétique qui est propice à ma santé. Donc, rayonner comme une bulle alentour de mon corps biologique qui est un champ, une structure informationnelle qui va coder mon ADN de manière à faire en sorte que tout fonctionne comme il faut dans la programmation cellulaire associée à mon corps biologique. Donc, que la programmation d'ADN soit propice à ma santé, ma longévité, et je recode toute l'information en présence dans ma structure psycho-énergétique de manière à ce que cette information soit en support de ma volonté, soit l'expression de ma volonté dans le cadre de la vie, dans la physicalité. Je bénis par la suite la qualité de mon sommeil, de sorte qu'elle soit régénérateur la nuit. Donc, je bénis le temps que je passe à dormir dans mon existence, de sorte que ce temps soit propice à des rêves agréables, soit propice à la revitalisation de mon corps biologique et à un repos dans lequel, en tant que conscience, je vais me trouver dans un état bienheureux, dans un état étrique, donc dans un état où je vais vivre l'être dans sa totalité. Ensuite, je bénis ma capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport aux individus de mon environnement. Donc, d'être ouvert à l'environnement tout en étant capable d'être à l'écoute de moi-même simultanément, de sorte que je sois capable d'exprimer ma volonté tout en ayant une disponibilité à la discussion avec des gens de mon environnement. Je bénis ensuite la résidence où je vis. Je visualise que j'investis de lumière les différentes pièces qui composent mon lieu de vie pour qu'ils soient propices au ressourcement, à la vitalité, à la santé et à l'épanouissement de mon être et également des gens qui y entrent, des gens qui vont me visiter ou même de mon animal de compagnie. Dans les prochaines minutes, je vais faire un balayage psychique des différentes pièces qui composent mon lieu de vie. Donc, je bénis ma chambre pour qu'elle soit un lieu propice au sommeil réparateur, au repos et l'harmonisation de mon corps biologique à l'énergie intrique, paisible. Je bénis la densité de cette pièce pour qu'elle soit un lieu qui va être d'harmonisation de mon être au besoin, mais un lieu qui est calme. Donc, ensuite, je vais bénir le salon pour que ce soit un lieu propice à un état énergétique qui est sain. Je bénis ensuite la salle de bain, les toilettes. Je bénis la salle à manger pour qu'elle soit investie de lumière. Et j'ajoute plus particulièrement par rapport à cette pièce, je bénis les aliments que j'y absorbe, de sorte que la minute que les aliments vont franchir la porte d'entrée de mon domicile, eh bien ces aliments vont être recodés sur le plan énergétique de par cette bénédiction, de sorte que ces aliments soient propices à ma santé et ma vitalité. Donc, autrement dit, j'installe ma vibration dans ces aliments pour que, à quelque part, ces aliments soient chargés d'une énergie vitalisante et nourricière pour mon corps biologique. Je fais la même chose pour la cuisine, lieu de préparation des aliments. Donc, je visualise que les aliments qui sont préparés dans ma cuisine sont chargés par l'énergie d'amour que je peux déployer dans le champ de ma conscience et dans l'environnement, car en réalité, il n'existe qu'un champ quantique. Ma conscience n'est pas séparée de l'oxygène et du reste de l'univers. Donc, je bénis la continuité de ma conscience unifiée plus spécifiquement ici avec l'environnement de ma cuisine, de sorte que mon intention de conscience investisse les aliments qui sont présents dans ma cuisine d'une énergie vitalisante. Je bénis plus précisément toutes les formes de germination que je peux faire dans ma cuisine, de sorte d'amplifier la croissance des germes, que ce soit de la luzerne, que ce soit du trèfle rouge, et ainsi de suite. Donc, je bénis la croissance des végétaux qui peuvent croître suite à des activités de germination. Donc, je bénis leur santé. Je bénis ma capacité de transmuter les énergies qui des fois peuvent être déphasées, qui vont provenir du supermarché où sont entreposés certains aliments que je vais acheter. Autrement dit, avec ma conscience, c'est sûr que lorsque je vais, par exemple, à un supermarché, il y a des gens qui sont stressés, il y a des gens qui sont anxieux. Ensuite, il y a des gens qui vont travailler dans des entreprises pour préparer des aliments alors qu'ils n'en ont pas envie. Donc, et à ce moment-là, ça fait des aliments qui ne sont pas nécessairement investis de bonheur. Et pour compenser cela, je codifie l'entrée des aliments, donc la minute que ces aliments franchissent la porte de ma cuisine, de sorte que ces aliments soient investis de l'énergie intrique, donc l'énergie qui émane de mon être, et de manière à ce qu'ils soient chargés d'énergie lorsque je vais en faire la consommation et qu'ils soient porteurs d'une vibration propice à la santé, au bien-être et à la revivification, la régénération de mon corps biologique. Je bénis. Ensuite, j'ai passé plusieurs pièces en revue. Je bénis l'ensemble de mon logement, hein, pour que l'énergie globale du logement soit porteuse d'une vitalité, d'une joie de vivre qui est présente. Et je bénis l'égrégore du champ que je constitue maintenant de mon lieu de vie, de sorte que à chaque fois que je pense à mon lieu de vie, bien j'ai le sourire au visage, et que à quelque part la simple pensée du lieu soit codée sur le plan énergétique à m'apporter de l'énergie, en ce sens que si je me sens fatigué, par exemple, après avoir été au supermarché dans un lieu que je sens que les gens sont sous tension, bien je retourne chez moi et je vais me retrouver dans un lieu qui va être propice au bien-être, où j'ai juste à penser à mon lieu de vie alors que je suis au supermarché, à l'épicerie, pour ressentir un bien-être, un état de bien-être immédiat. C'est sûr que je peux tout simplement penser à l'énergie cosmique de mon être qui émane pour me retrouver aussi dans cet état de bien-être instantané à l'épicerie. Naturellement, il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais j'installe une codification énergétique de sorte que le lieu de vie que je sois soit un lieu d'ancrage énergétique, donc que je charge, mais qui peut me recharger. Ça va dans les deux sens. Autrement dit, je visualise que je charge de l'énergie dans mon lieu de vie, donc la résidence où ce que j'habite. Et donc, quand que ça va bien, je suis en santé, etc. Et si moindrement mon état vibratoire fluctue, si je suis décentré, eh bien, je peux me rebrancher au lieu de vie où de l'énergie y a été entreposée pour être ressourcée. C'est sûr que je peux me recentrer aussi, non? Je peux m'appuyer sur le lieu, mais je peux m'appuyer aussi sur mon être. En fait, le point, c'est être capable de faire un usage de différentes stratégies pour s'avantager dans la vie. Donc, c'est le point que je voulais dire. Donc, essentiellement, je bénis ma résidence, mon lieu de vie dans sa globalité. Je bénis aussi le chat qui vit de manière à ce qu'il soit en santé, qu'il vive longtemps, qu'il soit heureux, donc qu'il ait de la joie de vivre. Donc, je bénis sa régénération cellulaire pour prolonger la durée de vie de son corps biologique, de sorte que je puisse vivre en sa compagnie longtemps, et de manière à être heureux et de continuer à l'être en sa présence. Je bénis par la suite le rapport aux gens de mon environnement, donc le rapport à ma compagne, pour que ce soit des rapports harmonieux. Même chose pour les membres de ma famille, des amis, des gens avec lesquels j'interagis sur le web, que ce soit sur YouTube, Facebook. De sorte que les gens qui vont, par exemple, écouter mes enregistrements, eh bien, ça soit des gens qui sont sur la même longueur d'onde que mon être. Donc, je bénis et je code sur le plan énergétique une volonté que les gens qui vont écouter mes enregistrements vont partager avec moi des affinités êtriques, c'est-à-dire une volonté commune de vivre dans un état d'être, donc de vivre l'absolu au cœur du relatif, de vivre consciemment leur existence qui est là. Donc, je bénis ma capacité à ce que la présence des gens qui entrent en contact avec moi soit codée sur le plan énergétique de manière à m'enrichir. Et bien entendu, en contrepartie, je bénis le fait que lorsque je vais vers des gens, eh bien, je vais participer à l'enrichissement de leur existence, enrichissement à différents niveaux. On peut enrichir quelqu'un sur le plan financier, sur le plan de la connaissance intellectuelle, mais aussi tout simplement sur le plan de l'énergie qu'on peut véhiculer, de l'énergie qu'on peut générer à travers la parole, de la beauté qui peut être manifestée, entre autres, dans une visualisation créatrice. Donc, je bénis des contacts agréables avec des gens. Je bénis ma capacité d'harmonisation psychique qui soit opérationnelle pendant toute mon existence de manière à me créer des opportunités favorables à mon existence, que ce soit sur le plan des événements, des rencontres et également des situations. Donc, je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle augmente au fil du temps, qu'elle gagne en force, en puissance. Et je bénis ma capacité d'être éclairée par la conscience universelle de manière à bénir des choses qui soient pertinentes pour mon existence. Donc, autrement dit, je fais pas simplement bénir des choses comme ça. Je bénis dans une perspective d'être à l'écoute de l'intelligence cosmique pour avoir les idées d'éléments à bénir qui vont être propices à un déploiement de plus en plus grand de mon être dans mon existence, à des prises de conscience et à des réalisations. Sinon, je bénis ma capacité à être créatif, ma capacité de me renouveler perpétuellement à travers ma parole, à travers l'écriture, à travers les différentes activités artistiques que je peux faire. Donc, voilà ce qui va compléter maintenant cette séance de bénédiction. Et en terminant, bien entendu, je vais bénir plus particulièrement tous les gens qui auront écouté cette séance de bénédiction, de sorte que, à quelque part, ces gens puissent bénéficier de cette vibration que j'ai visé à déployer à travers ma parole aujourd'hui, à partir de ces expressions de volonté, ces intentions de conscience. Et je bénis plus particulièrement les gens qui, au fil du temps, m'ont fait parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web. Et pour les gens que ça intéresse de me supporter en ce sens, eh bien, vous allez avoir les coordonnées se rapportant aux différents moyens de paiement sécurisés que sont PayPal et Interac en bas de l'enregistrement présent. Donc, je bénis encore une fois toutes les gens qui, au fil du temps, ont bénéficié de mes enregistrements. Et je remercie, bien entendu, les gens qui, au fil du temps, m'ont fait parvenir des commentaires de gratitude et également des contributions financières en support à mes activités de diffusion web. Merci et à bientôt.